Merci d'être fidèle à la première, c'est l'heure d'Histoire vivante. Très bonne écoute. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. On voit les Arabes portant dans leur turban une sorte d'épi de maïs. C'est cette fleur d'oubli qui répand pendant de longues semaines ce parfum étrange. Cette semaine, l'Arabie Saoudite. Moi, je suis l'idéologie et toi, tu es le bras armé. Fondation. L'Arabie abrite les deux principales villes saintes de l'islam. Et transformation. Nous allons voir ce que les Américains peuvent faire en apportant leur technique dans les sables d'Arabie. Une immuabilité en mouvement. De toute évidence, le roi Saoud n'était pas à la hauteur. Et qu'il devrait qu'on pratique l'esclavage en Arabie Saoudite. Oqsimu billahi al-azim. Vous avez ces 6000 personnes qui sont les propriétaires du pays. Ladies and gentlemen, the man that you all would like to hear from. His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman. Je me suis dit que s'attaquer à un dictateur qui était un ami de l'Occident, c'était tout à fait intéressant. Et je dois dire, j'ai pas été déçu. En 1916, les Français et les Anglais concluent les accords secrets Sykes-Picot, du nom de leur signataire, en vue de se partager les futures dépouilles de l'Empire turc, allié des puissances centrales, notamment la Syrie, la Palestine et l'Irak. Dans le même temps, les Britanniques n'ont pas de scrupules à promettre au shérif Hussein qui gouverne la Mecque tous les territoires arabes sous occupation turque, y compris Palestine et Syrie. Le 2 novembre 1917, en pleine guerre mondiale, le ministre britannique des Affaires étrangères, le comte de Balfour, publie une certaine lettre. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, et il emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui porte atteinte aux droits civils et religieux des communautés non-juives de Palestine, ainsi qu'aux droits et aux statuts politiques dont les Juifs jouissent dans les autres pays. Ibn Saoud, quant à lui, sait qu'il a une carte à jouer, battre l'allié théorique des Anglais. Et alors il est intervenu ensuite contre Hussein, et surtout contre la promesse que les Anglais avaient faite à Hussein et à ses fils d'une grande fédération arabe qui irait du croissant fertile de la Mésopotamie jusqu'aux confins du désert, c'est-à-dire jusqu'au Yémen. Comme les Anglais avaient multiplié les promesses dans ce domaine, qu'ils avaient également promis par la déclaration Balfour un foyer national juif en Palestine, aux juifs du monde, comme ils avaient également signé avec les Français en 1916 un accord, l'accord appelé Sykes-Picot, qui accordait à la France une partie du Liban, donc qui partageait la seule zone pétrolière à l'époque, c'est-à-dire celle de Mésopotamie, l'imbroglio a été total. Si vous voulez, entre 1902 et 1932, Ibn Saoud ne fixe pas de limite au royaume. Il dit simplement qu'il veut reconstituer le royaume, mais entendons le mot royaume comme pouvoir. Je crois que c'est plus adéquat. Il veut reconstituer le pouvoir de sa famille et de ses pères. Pour lui, il n'y a pas de frontière. Durant les années 20, il tentera d'étendre le royaume du côté de la Mésopotamie, mais là, il se heurtera aux Britanniques, qui sont en Irak, comme on l'appelle, qui y sont depuis la Première Guerre mondiale. Alors, cette politique de Ibn Saoud est évidemment à considérer, à lier tout de suite avec l'attitude des Anglais, puisque depuis les années 1830-1840, les Anglais ont pris maintenant systématiquement pied sur les pourtours de la péninsule arabique pour contrôler à la fois la mer Rouge et le golfe Persique. C'est la route des Indes, route terrestre, route maritime. Et les Anglais vont mener une politique extrêmement subtile et en même temps que souvent chaotique, car en effet, au sein même de l'administration et du gouvernement anglais, les avis ne sont pas unanimes sur ce qu'il convient de faire. Et vous savez que pendant la guerre de 14-18, le gouvernement anglais, une partie de ce gouvernement, notamment ceux qui regardent vers l'Égypte et vers la mer Rouge, ont décidé d'inciter à la révolte le shérif de la Mecque, Hussein, qui avait été installé là comme gardien des lieux saints par le trio des jeunes Turc envers Pacha, Talat Pacha et Jemal Pacha. Ça, c'était ce qu'on appelait la révolte du désert, l'envoi du fameux colonel Lorenz et Faisal et Ali, les fils de Hussein, et la remontée le long de la voie de chemin de fer de Médine à Damas pour attaquer les Turcs et les Allemands qui les soutiennent par la voie du désert combinée avec l'intervention des troupes anglaises commandées par Allenby qui traversent le canal de Suez et qui passent en Palestine. Bon. Mais il y avait au Foreign Office et dans la direction anglaise une autre école qui pensait qu'il fallait au contraire soutenir Ibn Saoud. C'était plutôt ceux qui regardaient vers le golfe Persique et effectivement un autre Lawrence a été envoyé chez Ibn Saoud, à savoir Sir John Filby, qui a essayé d'inciter Ibn Saoud, qui avait d'ailleurs signé avec les Anglais un traité en 1915, à intervenir aussi contre les Turcs. Ibn Saoud s'est bien gardé de le faire, il a joué au renard avec les Anglais, il a attendu l'effondrement de l'Empire turc pour intervenir. Et donc, il y a le gardien des lieux saints, qui est Hussein, et qui, lui, a été gonflé à bloc par des gens comme Lawrence d'Arabie, et qui croit vraiment ce que les Anglais leur ont dit, c'est-à-dire qu'ils se battent contre les Ottomans, et à la fin de la guerre, quand on aura gagné la guerre, ils seront indépendants. Et quand la guerre est terminée, on leur dit, eh ben, écoutez, ciao. Et il faut bien trouver quelqu'un à la place. Et ce quelqu'un, c'est le modéré, puisque c'est l'expression consacrée, la plus hypocrite. Mais on prend ce Saoud, qui ne s'est jamais mouillé du côté des Anglais, et qui n'y a pas cru, en fait, qui a toujours été du côté du plus fort. Donc, les Anglais ont gagné. Il était gouverneur d'une grande partie de l'Arabie pour le compte des Ottomans. Il devient gouverneur. On lui donne le titre de roi, on le reconnaît comme roi du Najd. Donc, on lui donne la capacité de mater ses ennemis, parce que vous avez des sempiternelles, révoltes, rivalités entre clans, entre tribus. Donc, on lui donne les moyens de mater tout ce qui est autour de lui. Et on lui donne surtout les moyens de mater ce fameux Hussein, qui est le grand-père de l'actuel roi de Jordanie, lequel est battu et lequel, évidemment, de ce fait, perd les lieux saints. Et c'est Saoud qui devient le patron de cette province, qui était évidemment la plus prestigieuse. Il est parvenu à son rêve. Il s'est emparé du Hedjaz et de sa capitale, la Mecque. Il est désormais maître du lieu saint de l'islam. Effectivement, Ibn Saoud s'est trouvé investi comme roi d'Arabie, avec comme limite le mandat de Palestine, exercé par les Anglais au nom de SDN, la Transjordanie qui revenait à Abdallah, et l'Irak qui entrera en 1932 à la SDN, mais qui était d'abord un mandat sous le contrôle des Anglais avec Faisal, le troisième fils. Et alors, si Ibn Saoud proclame le royaume d'Arabie Saoudite en 1932, c'est qu'il a accepté que ses frontières soient définitivement limitées. Au nord-ouest par les Anglais, au nord-est par les Anglais, et le long du golfe Persique, les petits émirats arabes, tels qu'on les appelle, sous protectorat britannique, sont eux aussi défendus par les Anglais. Donc, en somme, c'est la puissance britannique qui délimite le royaume. L'habileté d'Ibn Saoud, c'est d'avoir tendu la corde dans sa politique vis-à-vis des Britanniques jusqu'au maximum, mais d'avoir accepté de la détendre au dernier moment pour éviter que ça casse, et donc pour conserver le pouvoir qu'il avait pu conquérir. En 1932, Ibn Saoud donne au pays le nom de sa famille. L'Arabie saoudite est officiellement née. Maintenir uni ce désert de tribus n'est pas chose facile. Abdelaziz va opter pour la stratégie du mariage. Le roi épousera l'une des filles de chacun des chefs de tribus qu'il a soumis. Il se retrouvera plus tard père de 45 fils légitimes. Tous les rois qui se sont succédés depuis sont les fils du fondateur. On a du mal aujourd'hui à réaliser à quel point les Britanniques s'aveuglèrent en Arabie. Avec le fameux colonel Lawrence, du bureau arabe du Caire, Le Foreign Office ne va longtemps voir en Ibn Saoud qu'un aventurier sans scrupules, consentant tout juste à lui verser pour subside 5000 souverains or par mois, en versant 4 fois plus à Hussein de la Mecque et lui promettant d'en faire le roi de tous les Arabes en installant ses fils Abdallah en Jordanie, Faisal en Syrie et Ali en Irak. Peine perdue. Les Anglais n'ont pas choisi le bon guerrier. Ibn Saoud emporte les victoires décisives qui lui permettent de se déclarer premier roi d'Arabie Saoudite le 18 septembre 1932. Il est le roi d'un pays qui s'étend du golfe Persique à la mer Rouge, de la Syrie au Yémen. L'un de ses fils, Faisal, est le plus connu de ses représentants en Occident. L'époque où un Lord Curzon, ministre des Affaires étrangères britannique, pouvait le traiter en enfant, est bel et bien révolue. Faisal a alors moins de 30 ans et impressionne beaucoup ses interlocuteurs, ses homologues. Mais l'Arabie Saoudite est un pays aride, désertique, qui a pratiquement pour seule ressource les revenus du pèlerinage de la Mecque. Pour le moment, de pétrole, il n'est point question. Première recherche de pétrole à cette époque, un peu avant. Claude Feuillet, journaliste. Quand il y eut les premières recherches de pétrole, ça intéressait si peu même Saoud, le chef, le vieux Saoud, que lui-même espérait, il disait, bon, il cherche du pétrole, je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi ça sert, il avait jamais vu de voiture, rien du tout. Et il disait, bon, ça, c'est leur lubie de blanc, mais peut-être qu'ils vont trouver de l'eau. Et ça, ça l'intéressait. Donc, il espérait que les gens qui faisaient des recherches comme ça, qui demandaient des concessions pour creuser des trous, finiraient par trouver de l'eau. L'hypothèse la plus reconnue par les géologues sur la naissance des hydrocarbures repose sur l'idée que ces hydrocarbures se forment par la lente décomposition de matières organiques sous l'action de bactéries à l'abri de l'oxygène. La sédimentation crée cette huile de pierre. La naissance des hydrocarbures se fait au fin fond des couches terrestres, au cœur des roches-mères, des zones instables, gravité terrestre, des rives des continents. Le pétrole et le gaz naturel qui lui est associé demeurent rarement dans la roche-mère. Ils se déplacent entre les couches de roches sédimentaires jusqu'à ce qu'ils atteignent la surface, ou qu'il se fasse piéger sous une formation rocheuse relativement imperméable et qu'ils ne puissent continuer leur ascension. Ils se sont alors éloignés de la roche-mère. Les roches-réservoirs offrent leurs caractéristiques à qui les étudie. Porosité, perméabilité. De l'une dépend la quantité de fluide, de l'autre leur circulation. Ma grande zone pétrolière, c'est la Mésopotamie à l'époque. Jean-Claude Favet, historien. Les forages de pétrole en Arabie doivent commencer dans les années 30 et ça n'est vraiment que vers 1938 que les premiers contrats importants seront signés avec des compagnies pétrolières occidentales et que vraiment le pétrole va devenir un élément fondamental du jeu stratégique moyen-oriental pour cette région. Il y avait le pétrole, il y avait surtout, je dirais jusque dans les années 30, le contrôle des deux voies de communication, canal Suez, golfe Persique. En 1933, les premières compagnies étrangères commencent à prospecter le sous-sol du royaume. Ibn Saoud n'est pas regardant sur la nationalité des candidats. Britanniques, japonais et tant d'autres se disent intéressés. Il faut mettre de l'argent sur la table. Les Américains sont les premiers à le faire. L'Aramco, l'Arabian American Oil Company, est créée en 1932 dans le but de prospecter et de commercialiser le pétrole saoudien. Ses actionnaires, les 4 plus puissantes sociétés pétrolières des États-Unis. 14 février 1945. Un vieil homme fatigué se tient debout sur le pont d'un paquebot. Il ne lui reste que 4 mois à vivre. Chaque jour, il sent ses forces lui échapper. Il a face à lui un pays millénaire qu'il contemple, fasciné et stupéfait. Un pays dont il connaît, sans le comprendre, l'archaïsme. Dites-moi, Alphonse Lippmann, est-il vrai qu'il existe encore au Moyen-Orient un esclavage ? Est-il vrai qu'on pratique l'esclavage en Arabie Saoudite ? Mais certainement, non seulement en Arabie Saoudite, mais dans toute la péninsule arabe, et cela tend à gagner le golfe Persique et passer dans l'Inde, parce que depuis la création des Pakistans oriental et occidental, ces messieurs ont également voulu adopter les coutumes de la loi islamique. Ils ont donc droit à des esclaves. Et où sont-ils collectés, ces esclaves ? Ces esclaves viennent d'Afrique, principalement au sud de l'Éthiopie, dans les fins fonds du Kenya, et ils sont amenés par les voleurs d'enfants, qu'on appelle des Arkoupa, qui sont des tribus spéciales, descendantes d'Égyptiens, en partie, et mélangées avec des Afars, et ils les emmènent dans les villages. Ces esclaves sont donc destinés à faire des serviteurs et à alimenter les harems. Mais oui, non seulement ils alimentent en petite quantité les harems, mais dès qu'ils sont affranchis, ils en font des guerriers. Une fois qu'ils ont opté pour la religion musulmane, on les rend libres, et à ce moment-là, ça fait des troupes épatantes. Et je vous assure, tous les grands chefs arabes, par exemple Ibn Saoud, a ses esclaves à la porte de sa chambre, devant son bureau, etc. Il a davantage confiance dans ses troupes esclaves que dans les personnels de ses tribus. On ne sait jamais ce qui peut se passer. À bord du paquebot, le président Franklin Roosevelt aperçoit une embarcation venant tout droit de Jeddah. À son bord, le roi d'Arabie Saoudite, Ibn Saoud. Ils ne se sont jamais vus, mais ont, 1000 fois déjà, entrepris des actions ensemble. Pour l'arrivant, il s'agit de s'affranchir une bonne fois pour toutes du partenariat avec la Grande-Bretagne, qui domine alors la région. Pour le second, les jours précédents passés à Yalta, en compagnie du camarade Staline, l'ont convaincu, une bonne fois pour toutes, que les États-Unis ont désormais à jouer un rôle planétaire de tout premier plan. Peu après leur rencontre à bord du Quincy, le roi Abdelaziz Ibn Saoud d'Arabie Saoudite et le président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, ne tardent pas à confirmer les engagements qu'ils ont pris l'un envers l'autre. L'Américain écrit « Je m'engage vis-à-vis de vous à ne rien entreprendre en ma qualité de président des États-Unis qui puisse être considéré comme hostile au peuple arabe. » Ibn Saoud ne lira plus jamais une ligne signée Roosevelt. À Franklin Roosevelt, les États-Unis ont fait les plus belles funérailles qu'un peuple puisse faire à son chef. De Warm Spring où il mourut jusqu'à Washington, sur 1000 kilomètres, des foules massées le long des voies ont donné la mesure de leur attachement à l'homme qui incarna la volonté de son pays. À Washington, précédé d'unités de toutes les armes, celui qui fut, fait unique dans l'histoire, 4 fois consécutif président de la Grande République, a accompli son dernier voyage. Le deuil d'un peuple, plus que les honneurs impériaux du cortège, disent assez combien fut grande l'action de cet homme qui, à force d'énergie, triompha de la maladie, des luttes politiques, de l'égoïsme des puissances établies et de la passivité des hommes devant un malheur qui ne les atteignait pas directement. Jardin familial de Hyde Park, qui vit les jeux de son enfance, que reposera désormais le grand démocrate. Le monde des hommes libres viendra demain en pèlerinage à cette place, où s'inclinent aujourd'hui le président Truman, son successeur, et la famille du disparu. Car aux yeux de toutes les nations, Roosevelt demeurera un symbole pour ces mots qu'il a dit. Nous autres Américains, nous sommes résolus à sauver la liberté. Nous avons vu, Edouard Sablier, que l'Iran, l'Irak et la principauté de Koweït étaient les sources les plus importantes de la production du pétrole dans le Moyen-Orient. Mais je crois qu'il y en a une qui est en passe de les surpasser toutes. Je veux parler des gisements de l'Arabie Saoudite. Effectivement, les pétroles d'Arabie Saoudite, ceux que l'on extrait actuellement sur la côte du Golfe Persique qui fait face à l'Iran, produit actuellement une moyenne annuelle de 30 millions de tonnes. Et il est très probable qu'avec le nouveau pipeline qui vient d'être terminé en décembre 1950, la production puisse augmenter et même doubler d'ici un an. Et par qui est exploité ce pétrole en Arabie Saoudite ? Eh bien, précisément, jusqu'ici, nous avons vu les gisements d'Iran exploités par une compagnie britannique, ceux d'Irak exploités par une compagnie mixte anglo-franco-américaine. Nous voyons maintenant une source typiquement américaine et nous allons voir ce que les Américains peuvent faire en apportant leur technique dans les sables d'Arabie. Vous y êtes allé, vous avez vu comment ça se passait alors exactement. Eh bien justement, c'est l'aspect le plus impressionnant que l'on puisse découvrir dans cette partie du monde, c'est toute cette civilisation américaine, tout ce confort américain qui subitement est venu s'installer sur les bords du Golfe Persique, c'est-à-dire sur une des régions qui jusqu'à présent étaient les plus arriérées du Moyen-Orient. Et du jour au lendemain, on a vu surgir des villes américaines avec des maisons préfabriquées à air conditionné. On a vu les Américains demander à ce que leurs épouses puissent venir les rejoindre, puis leurs enfants, d'autres sont nés. Ce qui fait qu'on a un véritable peuplement américain avec clubs, piscines, terrains de sport, cinéma et tout ce que vous pouvez imaginer de la technique des USA. Véritablement, tout l'ensemble de Dharan et de Ras Tanura, qui sont les deux points, l'un d'extraction et l'autre de raffinage élémentaire du pétrole, constituent probablement l'une des régions les plus prodigieuses du Moyen-Orient. Il faut vous dire que l'Arabie vivait dans un état extrêmement sévère, suivait les règles coraniques avec une intransigeance qui était venue renforcer la secte wahhabite, qui est celle du roi Ibn Saoud, qui est une secte rigoriste au possible, qui par exemple interdit de fumer, interdit naturellement l'usage de l'alcool, interdit la reproduction de la figure humaine, etc. Et véritablement, il a fallu des miracles de persuasion de la part des Américains et peut-être aussi de la part de la trésorerie américaine pour que le roi Ibn Saoud accepte du jour au lendemain de voir se transformer sans transition un pays de bergers en un pays de businessmen avec toute une population de contremaîtres et d'ouvriers arabes qui adoptent petit à petit le mode de vie occidental. Et ce pétrole en Arabie Saoudite, exploité par les Américains, ne concurrence-t-il pas sérieusement le pétrole britannique ? Et voilà précisément la question. La grande affaire du Moyen-Orient depuis 1945 a été le développement des gisements américains d'Arabie Saoudite qui sont venus concurrencer les gisements britanniques d'Iran et pratiquement amener la stagnation des gisements mixtes d'Irak. Et cette lutte, cette concurrence entre pétrole dollar produit par les Américains en Arabie et le pétrole sterling produit par les Anglais dans le reste du Moyen-Orient a amené une série de complications dont les plus récentes se sont produites il y a quelques mois ou quelques jours à peine. En effet, les Américains, en s'installant en Arabie, avaient négligé le fait que tout autour de leur concession, un savant découpage avait donné des options à des compagnies britanniques. Ce qui fait que même lorsque la production d'Arabie put se développer, un grand problème commença à se poser, celui du transport. Il fut pratiquement impossible pendant très longtemps aux Américains de transporter leur production autrement qu'en empruntant les tankers britanniques. Comme je vous l'ai déjà dit, il est très difficile de constituer une flotte de tankers du jour au lendemain, et par conséquent, la flotte de l'anglo-iranienne étant disponible pour une bonne partie, les Américains s'arrangèrent pour louer les services de ces tankers et faire transporter une partie de leur production, ce qui naturellement augmentait les bénéfices de la compagnie britannique qui possédait ces tankers et rendait plus difficile la concurrence américaine. Ce n'est qu'avec la conclusion des travaux qui ont amené le pipeline d'Arabie Saoudite, qui est l'un des plus grands du monde et qui aboutit au Liban, que pratiquement les Américains ont réussi à dominer la concurrence britannique et même, j'insiste sur cet aspect de la question, à rendre beaucoup moins avantageuse l'exploitation par les Anglais des gisements d'Iran. Mais comment se présente un pipeline dans le désert? Est-ce que c'est simplement une conduite posée sur la rocaille et est-ce que cette conduite est gardée? Eh bien, il faut imaginer ce que représente comme masse d'acier les conduites nécessaires pour transporter la production presque intégrale de certains gisements jusqu'à la côte méditerranéenne. Combien mesure-t-il de kilomètres? Environ 1200 kilomètres. Il s'agit d'un des plus grands pipelines du monde qui forme une ligne à peu près droite entre le golfe Persique jusqu'au petit port de Sidon, que l'on appelle maintenant Saïda, au Liban. Les travaux d'excavation sont assez compliqués malgré tout, car il s'agit de continuellement éviter les terrains par trop meubles ou d'éviter tous les obstacles qui peuvent être rencontrés. Et en même temps, il s'agit de ne pas faire trop de détours. Une fois le pipeline posé et à peine recouvert de certaines quantités de sable, il devient important d'assurer le contrôle permanent, tant au point de vue technique qu'au point de vue de la sécurité, car il est bien tentant pour les tribus ou pour les maraudeurs de tous les environs de venir appliquer un forage de leur crue et, mon Dieu, extraire certaines quantités de pétrole. On a vu cela dans l'affaire du pipeline d'Irak, mais j'ai l'impression qu'en Arabie, les Américains ont réussi à peu près totalement à éviter cette sorte de pillage. En effet, les tribus qui sont disséminées tout le long des déserts d'Arabie, puis de Jordanie, et ensuite de Syrie et du Liban, sont très grassement payées par la compagnie ou par les gouvernements qui reçoivent un budget particulier à cet effet, et ont tout intérêt à protéger le pipeline qui est leur source de profit. Le pipeline est obligé d'entretenir tout au long des postes de surveillance, des postes médicaux, et ce qui fait qu'il existe maintenant une sorte d'attirance du pipeline qui joue maintenant le rôle des anciens oasis dans le désert et que petit à petit, des nomades accourent de toutes les régions de l'Arabie Saoudite ou de la Jordanie pour se grouper tout le long du passage du pipeline et qu'en fin de compte, des nomades qui l'ont été de père en fils de toute éternité deviennent maintenant des citadins par la grâce de Sa Majesté le Pétrole. Demain, la suite de cette évocation, réalisée par David Golan et mise en onde par Jérôme Nussbaum. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jérôme Nussbaum. réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.